Le mercredi 22 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Devant la grogne populaire, le gouvernement Couillard recule sur la question du crédit d'impôt pour les aînés. Le seuil pour y être admissible restera à 65 ans et non 70, comme le souhaitait le ministre des Finances, Carlos Leitao. Ce dernier a affirmé qu'il croyait encore au bien fondé de la mesure, mais il a expliqué qu'il n'avait pas su la défendre politiquement et publiquement. Il faut dire que la pression était forte sur lui depuis l'annonce hier d'une baisse d'impôt pour les dirigeants d'entreprise. L'opposition à l'Assemblée nationale et l'opinion publique y ont vu deux tentatives successives de s'en prendre aux personnes moins nanties. Les policiers de Québec et de Lévis ont procédé à l'arrestation de 7 personnes dans la région en lien avec un réseau de trafiquants de stupéfiants. La tête dirigeante de l'organisation, un homme de 30 ans de Sainte-Foy, va comparaître cet après-midi au Palais de justice de Québec. L'opération s'inscrit dans un large coup de filet à l'échelle provinciale, coup de filet coordonné par la Sûreté du Québec qui a mené à 16 arrestations et 10 perquisitions. Des citoyens de Cap-Rouge ont décidé de s'en prendre aux clients de l'entreprise Anacolor dans une nouvelle tentative de faire cesser ses émissions polluantes. Parmi ses clients, le quincaillier Canac qui affirme qu'il ne fera plus affaire avec l'usine de peinture métallique à l'avenir. Le centre commercial de Place Sainte-Foy est aussi pointé du doigt pour avoir Anacolor comme sous-traitant dans la construction d'un nouveau stationnement. Rappelons que le maire de Québec, Régis Labeaume, va s'entretenir vendredi avec le ministre de l'Environnement, David d'Hurtel, pour discuter de ce dossier. Et à l'approche de la semaine de relâche, le Festival de cinéma en famille de Québec dévoile la programmation de sa 6e édition. Pas moins de 85 films issus de 21 pays, dont plusieurs primeurs, seront projetés sur les multiples salles de cinéma. Les familles auront notamment l'occasion de voir en première québécoise le film « Ma vie de courgette » du réalisateur suisse Claude Barras. Le festival va investir 5 lieux sur les deux rives de Québec, dont le cinéma Le Clap à Québec et le cinéma Lido à Lévis, et ce du 2 au 12 mars prochain. Enfin, les attentes sont grandes à l'endroit de la NASA qui entretient le suspense depuis quelques jours. L'agence spatiale américaine convie les médias et les internautes du monde entier à 13h aujourd'hui pour une annonce importante concernant les exoplanètes, ces planètes qui existent en dehors de notre système solaire. Un panel de scientifiques sera présent et répondra en direct aux questions des internautes. Un article sera publié au même moment dans la très respectée revue scientifique Nature. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est nuageux aujourd'hui à Québec. Il fera 4 degrés cet après-midi, ce soir et cette nuit. Pluie intermittente débutant vers minuit. Des nappes de brouillard pourraient également se former au cours de la nuit. Il fera 0 degré ce soir. Demain, jeudi, des averses, des nappes de brouillard également se dissipant le matin. Des vents à 30 km/h et rafales à 60. Il fera 6 degrés demain, jeudi. Vendredi, c'est le retour du soleil. Il fera 2 degrés. Et présentement, pour la fin de semaine, on nous prévoit des précipitations ainsi que des températures confortables.